tiennant. Des tourelles dans le sable, ouais. Ma basse est divisée en mieux. T'as du resta, du loot, t'as rider scale. Je marche en tongue, AK sur l'épaule. La plage est chaude, la mort est drôle. Un cargo qui klaxonne, une rafale en retour. Bienvenue sur Rast, été glamour. Les viewers dans le chat me disent tente le jump. Je finis dans la flotte, une cuisse sans crampe. C'est l'été sur Respa de crème solaire. Mets des pièges au sol et des snipers en l'air. On farme, on rit, on meurt en string sur le serveur. C'est Riders qui swing. C'est moche mais je fais des kills magistrales. Y'a des pastèques dans l'inventaire, non. Juste des C4 et du flair. Une soirée feu de camp, ouais si t'aimes les flammes. Et les cris des loups qui crament dans le drame. C'est l'été sur Us, les buissons transpirent. J'suis planqué dedans, prêt à faire un empire. On boit, on tue, on rigole bien fort. Quand t'es viewer, leader skill, t'es jamais mort. Dans l'eau, un noob qui crie c'est beau. Puis plus rien, juste le son des mouettes et mon gros flingue qui revient. Kevlar.